n'a pas conscience de son intelligence, n'a pas conscience du phénomène de l'intelligence. Donc, il peut facilement vivre l'illusion d'être intelligent. En vivant l'illusion d'être intelligent, il va finir comme Rostand qui disait à 72 ans, bon ben, quand j'avais 19 ans, je pensais que je connaissais tout. Puis rendu à 72 ans, je m'aperçois que je connais rien. C'est une crise de perte de temps, ça. 19 ans, tu penses que tu connais tout. Tu arrives à 72, puis tu t'en vas écrire au monde, puis tu dis au monde que là, tu réalises que tu connais rien. C'est une insulte à l'intelligence de l'homme de pouvoir arriver à 72 ans et dire « je connais rien ». L'homme devra connaître bien les affaires. Mais pourquoi est-ce qu'on connaît rien et qu'on a l'impression de connaître rien? C'est parce qu'on se pose des questions. C'est évident que si tu te poses des questions, tu vas avoir l'impression que tu connais rien parce que tu peux te poser des questions à l'infinité. Ils vont te donner tout le temps de nouvelles. On va toujours te l'amener d'une belle question. C'est une joke pour eux autres, c'est une fun pour eux autres. Puis nous autres, on peigne. Une autre question, puis une autre question, puis une autre question, puis une autre question. Tandis que si l'homme est conscient, il n'en posera pas de questions. Il fera simplement donner des réponses. Moi, j'en ai pas de questions. Si vous m'en posez une, je vais vous donner la réponse. Mais moi, personnellement, j'ai aucune question. Nous, on ne se demande pas d'où ce qu'elle vient. L'eau dans le robinet, elle ne se demande pas ce qu'elle vient. Elle sait ce qu'elle vient. Elle vient du lac, elle vient de la rivière, elle vient... Nous autres, on est l'eau dans le robinet, puis on n'est même pas... on n'est même pas l'eau continue dans le robinet. On est tous des petites gouttes, puis des petites gouttes, puis des petites gouttes. Ça, c'est question. On est même de la question. L'homme, c'est de la question. Mais pourquoi est-ce que l'homme est de la question? Parce qu'il n'est pas capable de supporter le fait que possiblement, il y a une conscience absolue. Pis c'est quoi ça? Pouvoir supporter le fait que tu as une conscience absolue, ça veut dire être capable de traiter avec intelligence toutes les anomalies psychologiques de ton moi. Exemple, si tu as des petites t'as de l'astralité qui te fait penser que t'es jaloux, faut que tu causes ça. Faut que tu sois capable de savoir que tu ne l'es pas. Que tu es manipulé, qu'on te fait penser que tu l'es, mais dans le fond, tu ne l'es pas. Si tu penses que t'es paresseux, faut que tu saches que tu ne l'es pas. Faut que tu saches qu'on te fait penser que tu l'es. Fait que ces anomalies psychologiques-là, qui sont responsables pour la création de fausses architectures du mental, donc du développement de ta personnalité humaine, un jour, faut que tu sois à travers ça. Quand tu as réglé ça, ce problème d'anomalie-là, les questions ne te plus. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas apprécier la philosophie, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas apprécier la littérature, ça ne veut pas dire que tu peux pas avoir des belles grandes discussions avec quelqu'un, mais quand tu vas parler avec un philosophe, quand tu vas parler avec un psychiatre, un psychologue, ou n'importe qui, tu vas toujours avoir des réponses à ces questions. Fait que si le psychologue dit « tu crois de ça au subconscient », tu vas toujours avoir des réponses à des questions. Ça existe-tu le subconscient? C'est quoi le subconscient? C'est quoi l'espace? C'est quoi le feu? C'est quoi l'esprit? C'est quoi l'âme? C'est quoi Dieu? C'est quoi l'éternité? C'est quoi la mort? C'est quoi ci? C'est quoi l'atome? C'est quoi le DNA? C'est quoi la molécule? C'est quoi l'atome? La conscience, c'est quoi? C'est quoi le froid? C'est quoi le chaud? C'est quoi la gravité? C'est quoi le vide? C'est quoi l'absolu? C'est quoi l'éternel? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Si tu n'as pas de réponse à toutes les questions de l'homme, c'est parce que tu ne sais pas. Tu n'as pas conscience absolue de ton origine. Tu ne sais pas que l'intelligence vient d'ailleurs. Tu n'es pas capable de taper dans cette réserve-là. Pourquoi? Parce que tu penses que tu penses. Fait que ça devient lourd, puis ça devient difficile, puis ça prend bien des études de devenir intelligent. Puis quand tu as fait bien des études, tu as un doctorat, deux doctorats, trois doctorats, tu t'aperçois encore que tu n'es pas assez intelligent. Tu es comme restant. On est tous des restants potentiels. On arrive à 72 ans, tabarnak, on est obligé de jeter, comme les Anglais disent, « you gotta throw the towel away », puis on réalise qu'on ne sait rien. Fait qu'on se résigne à boire du vin et à s'éteindre lentement. Alors qu'un homme conscient qui est 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, quand tu es conscient, tu es intelligent. Fait que l'idée de ne pas comprendre des mystères, ça n'a pas d'allure. L'idée de ne pas avoir une réponse à tout, ça n'a pas d'allure. L'idée de ne pas pouvoir taper, to tap into this energy, ça n'a pas d'allure. l'idée de ne pas pouvoir supporter le fait que tu penses que tu penses, ça n'a pas d'allure. Fait que la vie de la conscience, ça devient facile. Fait que tu passes d'une personnalité, au lieu d'être une personnalité, tu deviens une personne. Mais il y a un prépé. C'est la désinvestiture de l'ego. Puis on n'a pas le choix. Parce qu'on est des êtres d'habitude. Ça nous a été imprimé pendant des siècles qu'on pense. Puis à tous les jours, on a des pensées qui viennent. T'es un petit cochon, t'es un petit ci, t'es un petit ci, t'es un petit ça, t'es un petit ci, t'es un petit ça. Je voulais bien me faire dire que j'étais un petit cochon. Veux-tu manger de la merde, toi, calice, en haut? Là, il partira à rire. Là, il dit là-bas, on te taquine. Puis je dirais, taquine-moi pas trop, parce que mec, je change de plan, mon tabarnak m'a envoyé sur une planète. Oh, là, ils viennent tranquilles. Ah, oh, là, ils sont tranquilles. Là, ils ont peur de se faire brosser le cul. Parce qu'on n'a pas assez de conscience absolue, les hommes sur la Terre, parce que l'âme incarnée n'a pas assez de caractéristiques universelles pour transmettre à l'ego le fait que l'homme est psychiquement un immortel. L'homme est psychiquement un immortel, ça veut dire que psychiquement l'homme est capable de traiter avec les immortels, ça veut dire que l'homme est capable, sur le plan mental, d'avoir des discussions intelligentes et des rapports d'intelligence avec n'importe quelle entité astrale, désincarnée, cosmique, non incarnée ou humaine incarnée. Quand tu es rendu de même, tu n'as plus de problème. Tu veux écrire un livre, tu prends ton temps pour un livre, tu commences à taper. Ça tape tout seul. Au lieu de se poser des grandes questions, qu'est-ce que je vais écrire? Tu n'es pas supposé savoir qu'est-ce que tu vas écrire. Moi, quand je regarde mes livres, j'y lis comme vous autres. Ah, c'est intéressant, hein? Mais nous autres, on veut savoir. On veut savoir qu'est-ce qu'on va écrire. On veut imprimer notre intelligence dans le livre. C'est moi qui ai écrit ça. C'est pas toi qui ai écrit ça. Ça a été communiqué, mais tu penses que c'est toi qui l'as écrit. Fait qu'en pensant que c'est toi qui l'as écrit, tu penses que t'es intelligent. En pensant que t'es intelligent, mais tu véhicules techniquement un phénomène d'orgueil, parce que l'intelligence, c'est pas ça. Quand tu sauras que t'es pas intelligent comme ça, que l'intelligence, ça vient d'ailleurs, que c'est ça l'intelligence, là, on pourrait dire que t'es intelligent. Moi, quand j'ai fait la Genèse du réel, j'ai dit, il y a combien de chapitres là-dedans? Ils ont dit 59. J'ai dit, mets-les sur la table. Le premier chapitre qu'ils m'ont écrit, c'est le libre arbitre, je pense, le libre arbitre. Puis ils m'ont tous les écrits jusqu'au bout, 59e. Quand ils ont mis tous les chapitres, parce que je ne voulais pas perdre mon temps, là, j'ai dit, OK, commencez avec chapitre numéro 1. Commencez avec chapitre numéro 1. J'ai écrit sur le libre arbitre, là. Puis ils ont dit, quand ça a été fini, la plume est devenue sèche. J'ai dit, as-tu d'autres choses à écrire? Là, ils ont dit non. On s'en va au chapitre numéro 2. Comme ça, vous écrivez les livres. Vous autres, vous êtes obligés de faire des thèses, tabarnak, vous n'arrêtez plus. Surtout faire des citations d'un autre gars. Penses-tu que je vais faire des citations de quelqu'un, moi, quand j'écris? Je ne cite pas personne. Ça part de zéro, ça s'en va à l'infinité. Mais le monde savent des citations. Descartes, puis Schopenhauer, puis Jean-Paul Sartre, puis Socrate, Platon. Moi, si je regarde Socrate, puis je regarde Platon, puis je regarde Schopenhauer, puis je regarde Descartes, je vais être obligé de toutes les changer, ce qu'on dit. Le statisme n'existe pas dans le mental. Il existe seulement dans la vérité. Fait que si c'est la vérité philosophique du siècle des Lumières, de dire que l'âme, que le « je pense donc je suis », ma vibration va me forcer à défaire ça. C'est pas réel de dire « je pense donc je suis ». L'homme pense qu'il est parce qu'il pense, alors que s'il était conscient, il réaliserait que c'est quand il pense plus qu'il commence à être. Parce que quand tu penses que t'es. Quand tu penses plus, t'es point final. Fait qu'on est poigné, là. Je suis ou je suis pas? T'sais, Shakespeare. The question is, to be or not to be. Mais tu t'en vas, tu t'en vis, la crise de vie. Là-bas. To be or not to be. On a-tu just stop at to be or not to be? Puis là, on répète ça. On répète ça des dans le théâtre. On répète ça dans les livres. Puis les jeunes apprennent ça à 7 ans. To be or not to be. To be or not to be. On est-tu des hosties niaiseux de calice? Les prêtres, les religions, les philosophes, l'Université de Montréal, il faut que tu saches ça. To be or not to be. Mangez donc de la merde. Ben, le petit égo qui n'a pas d'identité, il ne peut pas dire, ben écoute, to be or not to be, c'est absolument sans aucune valeur réelle. Ça a simplement de l'importance psychologique parce que ça permet à l'esprit de jouer avec les mots. Le petit égo, lui, qui n'a pas d'identité, il ne peut pas faire ça parce qu'il dit, c'est Shakespeare qui a dit, to be or not to be. Puis les curés qui ont dit, to be or not to be. Mangez donc de la marque. On n'a pas appris à dire, mangez donc de la marque. Parce que tu peux pas dire à Shakespeare, mangez donc de la marde. Tu peux pas dire à Platon, mangez donc de la marde. C'est des grands hommes. Mais c'est à des grands hommes inconscients. Calice. Le rôle du Christ remonte. Laisse faire. Ah, laisse-moi reposer. En tout cas, le point que je veux faire, c'est que quand l'homme va avoir conscience télépathique avec le plan mental, il va pouvoir bénéficier finalement d'une vibration mentale qui permet d'être libre de la forme. Parce que tant que tu n'es pas libre de la forme, tu es pogné dedans. Puis quand tu es pogné dedans sérieusement, ben, tu passes ta vie à dire « to be or not to be ». C'est comme le gars, le Québécois, qui s'en va aux Indes, s'en va rencontrer, comment est-ce qu'il s'appelle, Rawas. Puis Rawas est assis là dans son coin, là, avec ses fleurs, puis ses encens. Puis le Québécois, il dit, Rawas, il dit, qu'est-ce que tu viens faire ici aux Indes? Puis Rawas, il dit, le Québécois, il dit, je m'en viens chercher la vérité, je m'en viens voir qu'est-ce que vous avez à dire. Puis l'autre, il dit, tout ce que j'ai à dire, c'est « it ». Fait que le Québécois, il dit, tabarnak, j'ai dépensé 5000 piastres, me faire dire « it ». Puis Rawas, il dit « it ». It's « it ». Sais-tu que, moi, à nos Indes, puis me faire dire « it », cet hostie-là, je vais le mettre en lévitation. Parce que même « it », autrement dit, même une insignifiance formelle, aussi simplifiée que it, parlementaire, ça se détruit. Puis il passera une crise d'initiation à Rawas avec moi. C'est pour ça que les mecs n'aiment pas ça me rencontrer, parce qu'ils savent que avec moi, there's no more bullshit avec moi. C'est fini, bullshit. Je n'ai accroché un à Saint-Adèle de 3-4 mois, là. Je te dis qu'il y avait le pipi mou après. Fait que tant que l'homme ne sera pas dans son identité, il va se promener dans le monde avec la question to be or not to be, ou la réponse purement fastidieuse, it. Fait qu'imagine-toi si on est des cons, puis on va à l'université pour apprendre ça, puis on va aux Indes pour apprendre ça. Fait que c'est pour ça que l'évolution, la distinction entre l'évolution et l'involution, ça va être extraordinaire. Puis c'est pour ça que l'homme va vivre une initiation, c'est-à-dire qu'il va vivre une transformation de ses corps suffisamment intense pour que, dans les premières périodes de sa transmutation, il vive des grands changements vibratoires. Puis c'est normal. Pas de problème, là. C'est normal. Il y a rien que ça va être correct. Fait qu'ils disent que c'est un petit peu comme si vous allez sur le lac Saint-Denis, il y a une grosse tempête, vous êtes dans votre bateau, puis ça bardasse, puis mais c'est pas parce que ça bardasse que votre bateau va craquer. Si vous avez un beau bateau puis un bon bateau, bien, faut que vous ayez confiance à votre bateau. Mais si tu n'as pas confiance à ton Christ de bateau, bien, c'est là qu'il craint. Puis je vais finir ma conférence, ça, oui. Parce qu'avoir confiance à son bateau, c'est à dire avoir un minimum de doute. Puis avoir un minimum de doute, ça veut dire avoir un minimum de manipulation. Dans le mental. Fait que si tu as confiance à ton bateau, pour n'importe quelle raison, que ce soit parce que tu as des amis qui te renforcissent ta confiance de ton bateau, ou parce que tu es éduqué à avoir une confiance de ton bateau, ou parce que tu as appris quelque chose qui te fait avoir plus de confiance de ton bateau, si tu as confiance à ton bateau, déjà, tu n'as plus de problème. Mais si tu n'as pas confiance à ton bateau, même s'il n'y a pas de tempête pour le moment sur le lac, il va en avoir une tout à l'heure, puis ton bateau va craquer. Tu es supposé d'avoir confiance à ton Christ de bateau. Puis on n'a pas été éduqués, nous autres, à avoir confiance à notre bateau. On a été éduqués à des curés qui nous ont dit, ben peut-être qu'il y a une petite craque dans ton bateau. Puis si tu ne veux pas souffrir de la petite craque dans ton bateau, ben fais une prière. On a eu des philosophes qui nous ont dit, il n'y a pas un bateau parfait. Ça veut dire encore qu'il y a une petite craque dans le bateau. Fait qu'il y a toujours une petite craque dans notre crise de bateau. Tout le monde qui nous a enseigné, il nous a enseigné qu'il y avait une petite craque dans le bateau. Même l'oriental, il dit ton bateau, il est unifié au lac. Mais quand l'eau commence à rentrer dans le bateau, crise de lac peut rentrer dans le fond. Fait qu'encore, il y a une autre petite craque dans le bateau. Fait qu'il y a toujours un problème avec notre crise de bateau. Puis un jour, il va falloir que l'homme sache qu'il n'y en a pas de problème avec son bateau. Mais qui c'est qui va dire qu'il n'y en a pas de problème avec son bateau? Ça va pas être Shakespeare, ça va pas être le gourou des Indes, ça va pas être le curé, surtout à Saint-Adèle, calice. Ça va être lui-même. Parce que quand quelqu'un te dit qu'il y a une petite craque dans ton bateau, c'est toujours le pouvoir qu'ils veulent imposer sur toi. T'as une petite craque dans ton bateau, tu vas être obligé de voir pour l'arranger. Le gourou, le curé, le philosophe, ils veulent toujours que tu reviennes à eux autres, parce qu'eux autres sont supposés d'avoir la réponse à la petite craque dans le bateau. Il n'y en a pas un calice qui a la réponse à la petite craque dans ton institut de bateau, parce qu'il n'y en a pas de craque dans ton bateau. Fait que quand l'homme va comprendre qu'il n'y en a pas de craque dans son bateau, il va avoir une diminution de doute à un tel point qu'il va être capable de faire la gestion de son énergie, puis il va sortir complètement de sa personnalité, il va rentrer dans son identité, puis le reste, ça va être totalement du gravy. Moi, je suis allé dans les musées avec ma fille quand elle était petite, parce que ça faisait partie de son éducation. J'étais dans des grands musées en Europe, puis il y avait une peinture de Michel-Ange. Puis j'ai commencé à critiquer Michel-Ange, puis j'ai fait exprès, parce qu'il y avait des sœurs à côté de moi, il y avait des curés, il y avait toutes sortes de monde, là, du monde des intellectuels, tout ça. Fait que je l'ai pris, là j'ai fait exprès, parce que je mettais bien du monde en vibration. Puis là, j'ai commencé à faire toute une critique de la peinture de Michel-Ange. T'aurais dû voir du monde vibrer. Qu'est-ce qui se prend lui? Ça, c'est ce qui se passait dans leur tête. Qu'est-ce qui se prend lui? Puis j'ai fait exprès, puis ça a été une grande... Ça a été une grande expérience dans sa vie à Christine. Quand on est sorti de là, elle disait, le monde, ils n'ont pas l'air d'être contents, hein, papa? Critiquer Michel-Ange. Fait que j'ai dit, ah ouais, le grand, vas-y, critique-moi Michel-Ange. Ils m'ont fait une critique de Michel-Ange 10 minutes de temps. Ils m'ont parlé de Michel-Ange, son état psychologique dans ce temps-là, comment est-ce qu'il sentait, il était amoureux de son gars, puis tout, puis il souffrait, papa. Je te dis que les curés, il y a des sœurs en Europe et des grandes baputrines, ça veut dire reste. C'est ça l'identité. Fait qu'il n'y en a pas de craque dans votre bateau. Quand vous saurez qu'il n'y en a pas de craques dans votre bateau, que les craques dans votre bateau, c'est simplement des impressions qui sont mises dans votre mental à travers un plan ou un autre, ou du monde, vous allez commencer à vous sentir bien, puis vous allez commencer finalement à vous appointer à vivre au lieu de vous appointer à spéculer sur votre vie. Bye! Avez-vous des questions? Vous avez dit tantôt qu'eux autres faits le contact avec vous. Est-ce qu'un jour l'homme décidera quand il contacte votre fille ou non? Ça a l'air d'être eux autres qui décident. Ça, c'est une très bonne question. Vous allez remarquer quand vous avez le contact, quand ça va bien, le contact, il est tranquille. Il te laisse te reposer. Quand ça va mal, c'est là qu'il va en anglais. C'est là qu'il devient bien, bien actif. Regardez votre pensée, là. Vous allez voir que quand ça va bien, vous êtes en amour, tout marche, votre job marche bien, ton char, il marche bien. Pas de problème. Là, c'est bien tranquille. Ça. Mais aussitôt que tu arrives chez vous, ta maison elle brûle, là, ça commence. Ta femme a sorti avec ton chum le soir, oh, ça commence. T'as perdu ta job, ça commence. Vous allez voir qu'il y a une suractivité quand vous êtes en situation de souffrance. Mais quand vous n'avez pas de souffrance, tout va bien, c'est tranquille, ça, il ne se passe rien. Qu'est-ce que ça veut faire? C'est là qu'il faut leur parler. Ben, c'est là qu'il faut... Non. C'est là qu'il faut prendre conscience de la game. Après ça, leur parler, ça vient après. Quand ça va bien, tranquille. Mais aussitôt qu'il se passe quelque chose qui nous fait souffrir, que là, ça rentre. C'est ça qu'il faut contrôler. Parce que c'est là qu'ils nous ont. Fait que comme l'homme est inconscient, imagine-toi, là, moi je le sais parce que je suis en contact avec 5000 personnes dans la province de Québec qui ont toutes sortes de vie et d'expérience. Puis des fois, j'en ai des petites bribes. Le gars, il dit, il y a une personne que je connais, là, sa femme, elle l'a laissé. Ça y a mis la batterie à terre. Ça y a donné un choc à son égo. Ça a tout fait. Ça lui met en dépression, tout ça. Puis ça y a pris 2 ans pour s'en remettre. Ta femme te crisse là, puis ça te prend 2 ans, 2 semaines, 2 mois, 3 mois. Mais 2 ans, trop long! Trop long! Il dit, je l'aime. J'ai dit, j'ai pas de problème avec ça. Mais je dis, trouve-toi un autre ou reviens avec, fais quelque chose. Tu t'en trouves un autre ou tu reviens avec. Il dit, elle veut rien de moi. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'elle veut rien de toi? Sais-tu pourquoi est-ce qu'elle veut rien de toi? Il dit, parce qu'elle dit que je l'étouffe. Ben, t'as parlé, arrête de l'étouffer. Arrête de l'étouffer. J'ai dit, tu peux pas étouffer une femme consciente. Un jour, elle va te mettre le pied au cul. Une femme consciente, ça veut plus être étouffée. Une femme consciente, ça ne veut plus être dominée. Une femme consciente, ça ne veut plus souffrir de l'homme parce que l'homme, c'est un con. Yes. Quand est-ce que tu vas comprendre ça? J'ai dit, tu réalisais-tu quand tu l'es fait? Il dit, c'est pas que je réalisais que je l'ai fait, mais il dit, je l'aimais. Mais j'ai dit, tu l'es fait. C'est plus d'amour, ça, Chris. Ça, c'est l'insécurité de tes émotions que tu transférais sur elle et que tu appelais ça de l'amour. Je t'apprends d'écrire un livre sur la femme et l'homme. Tu sais, le livre sur Mars et Vénus, là, Mars, là, ça, c'est de la petite gueule, ça. Attends que tu vois mon livre. Sur Mars, pas sur Mars, sur l'homme pas avant. Il y a du stock. Une couple d'années, ça va prendre l'ange de finir, parce que j'ai pas le goût de crier. Mais il va sortir. Pourquoi est-ce que l'homme est si con? Parce qu'il s'est pas aimé. Il dit, l'homme aime avec son sexe, il aime pas avec son esprit. Tu peux pas aimer une femme avec ton sexe. Faut que tu l'aimes avec ton esprit. Faut que tu l'aimes avec ton sexe. L'homme aime la femme avec son sexe. Il est pas assez voulu pour aimer la femme avec son esprit. Le sexe, c'est une autre patente, ça. C'est une autre affaire. C'est une tige de fer, ça. Ça n'a rien à faire avec ça. Moi, j'ai plein de femmes qui me disent « J'aimerais mieux que mon mari m'affectionne que de me faire l'amour. » J'ai dit Il dit, j'ai rien contre faire l'amour, mais au moins qu'il m'affectionne. L'autre a dit, c'est l'amour, puis l'amour, puis l'amour. Il part le matin, il arrive à 10h à maison, il arrive à midi à maison, il arrive à 3h dans son break à maison. L'amour, l'amour. J'ai dit, t'aimes-tu? Elle dit, c'est pas moi qui aime. Il dit, c'est son sexe qui aime à faire vibrer. Il dit, moi, il me traite comme un animal. C'est grave, ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Elle dit, inquiète-toi pas. Fait qu'elle travaille sur l'affaire lentement, là. La femme, pendant l'évolution, elle a souffert tout le temps de l'homme. L'homme a souffert de la job, il a souffert de la guerre. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas eu ses souffrances, il les a eues. Mais la femme, elle a souffert de l'homme, elle n'a pas souffert de la guerre. Elle n'a pas souffert de la job. Une femme, s'il donne un petit job chez Eaton, à 12,95, si elle est heureuse dans ses émotions avec son gars, eh bien. Ça ne manque pas gros, une femme. Mais la paix, c'est... Elle l'a pas. Elle l'a vraiment. Puis quand elle est jeune, les parents sont pas assez conscients pour lui expliquer qu'est-ce que c'est le phénomène de tomber en amour. Elle veut vivre Cinderella. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, Cinderella, quand tu brises les mots? Ça veut dire Cinder, Allah. Ça brûle, des Cinder. Tu regardes des petites filles de 18, 19, 20 ans, 21 ans, ça n'a pas d'expérience, c'est bon. C'est... La femme, c'est l'amour. La femme, c'est l'incarnation de l'amour. Tu le regardes des yeux, comme regarder à travers un lac. Tu vois dans le fond. Puis t'as des gars qui vont traiter ces êtres-là comme si c'était des outils. C'est abominable ce que la femme souffre. C'est pour ça que dans mon travail, depuis 30 ans, j'explique. Puis j'explique la femme, puis j'explique. Le monde, ils me disent, quand est-ce que tu vas expliquer l'homme à la femme? Je vais expliquer à la femme d'abord, parce que c'est elle qui a plus souffert de l'homme, puis après ça, un jour, j'expliquerai le gars. Mais j'ai dit rien qu'une chose que l'homme a à savoir, c'est qu'il n'est pas intelligent concernant la femme. Il ne la connaît pas. Parce qu'il n'aime pas. L'homme ne s'est pas aimé avec son esprit. Fait qu'il y a toujours une différentielle entre l'homme et la femme. Lui, le gars, puis elle, c'est la femme. Tandis que dans un couple où l'homme et la femme ont tous les deux de l'esprit, il y a une égalité, là. Nos mères, ça, c'est correct. Nos mères, on les traite comme si c'était des divinités. C'est comme les Italiens, la maman. Mais nos femmes, nos blondes, les êtres qui sont prêts à vivre des vies avec nous autres, on les traite pas avec le respect. Puis ils disent, avant ça, ils disent qu'il est temps que l'homme arrête de parler de l'amour, puis que l'homme commence à utiliser le thème respect dans ses relations humaines. Quand tu respectes un être humain, tu l'aimes automatiquement. Fait qu'oubliez ça, l'amour, je t'aime pas, je te respecte. C'est plein de monde qui parle d'amour, j'aime ma femme, tu l'aimes ta femme, c'est les mots que tu utilises, mais t'as respecté ta femme, non. Fait que pour elle, ça vaut pas de la merde. Respecte-la, ta femme, elle va être bien heureuse. Aime-la mal, puis elle va voir que tu parles. Les femmes sont bien plus mal aimées qu'aimées. Les femmes. T'as des femmes comme elles, des femmes sensibles, des femmes intelligentes. Là. Ça ne devrait jamais être seule, une femme de même. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de femmes tout seules? Parce que les hommes ne sont pas assez intelligents, fait que les femmes aiment mieux tout seules.